Chapitre 6e. Madame Renard, la poule. L'ami de Guelmard était convoqué au commissaire d'Aix pour être interrogé. « Gino, Madame Renard est là. Je la fais entrer. »« Oui, je préférerais l'interroger moi-même. »« Toi, j'aimerais que tu ailles voir les mecs du labo. » Une femme d'une quarantaine d'années, habillée sans affectation, entre timidement dans le bureau. À sa démarche, on sent tout de même qu'elle connaît son pouvoir sur les hommes. « Vous êtes bien Lucienne Renard, domiciliée à la Roque d'Anteron ?»« Oui. »« Asseyez-vous, madame, je vous en prie. »« Vous connaissez M. Guelmard ?»« Oui. »« Je l'ai attendu toute la soirée de samedi. Il devait venir, comme toutes les semaines. »« Mais pourquoi dites-vous, vous connaissiez ?»« Il lui est arrivé quelque chose ?» demande la femme avec anxiété. « Malheureusement, oui. On l'a découvert dans un ravin sur la route de Rogne. »« Oh mon Dieu !» murmure la femme en cachant son visage dans ses mains, secouée par les sanglots. « Comment est-ce possible? Il a eu un accident ?»« Oui. Mais non, pas vraiment. Il a été tué d'une balle dans la tête. Il a été assassiné, vous comprenez ?»« Mon Dieu, mais pourquoi? Qui a pu faire ça ?»« C'est justement ce que nous essayons de déterminer, Madame Renard. » « Parlez-moi un peu de votre relation avec lui. »« Moi, vous savez, j'ai perdu mon mari il y a 7 ans. »« Et là où j'habite, ce n'est pas vraiment folichon. »« Je vivais avec ma sœur, mais elle a trouvé un mari. »« Alors quand j'ai trop de vagues à l'âme, je descends à Aix en car le dimanche. »« Avec René, nous étions connus un après-midi dans un thé dansant au Vendôme à côté du casino. »« Après, nous nous sommes revus plusieurs fois, toujours le dimanche après-midi. » Une fois, on a été à l'hôtel, cours Sextius, et on avait la chose, quoi. On s'entendait bien ensemble. Chacun chez soi, mais on se voyait au moins une fois par semaine. En principe, c'était le samedi. La plupart du temps, c'était lui qui montait à la Roque. Vous lui connaissiez des ennemis? Non, pas du tout. Vous saviez qu'il avait été condamné? Et vous saviez pourquoi? Oui, pour l'accident du car près de Barcelonnette. Mais il n'aimait pas qu'on en parle. Il regrettait tellement ce qui s'était passé. Il me disait qu'une nuit sur deux, ça l'empêchait de dormir. Il me disait aussi qu'il n'y avait qu'avec moi qu'il oubliait un peu. Il buvait? Non, jamais une goutte d'alcool, en tout cas jamais devant moi. C'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'avais accepté de le fréquenter. Il était sobre, toujours propre, prévenant, jamais un mot plus haut que l'autre, et toujours prêt à mettre la main à la poche. Vous a-t-il jamais parlé de menaces qu'il aurait reçues par écrit ou par téléphone? Non, jamais. « Réfléchissez bien, Madame Renard, » je demande en allumant une royale. « J'ai vu chez lui des photos prises pendant son service militaire. Il vous en parlait quelquefois ?»« Oui, il avait été en Algérie, de 1958 à 1960. »« Il en gardait un bon souvenir. Il avait été affecté comme chauffeur. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'il a trouvé son travail en revenant de là-bas. Mais après l'accident, il n'a plus voulu conduire un car ou un camion. Déjà la voiture... Ça lui donnait quelquefois des angoisses. Vous saviez qu'il avait une autre condamnation en Algérie? Lucienne essuie une larme sur sa joue. Ah, non, il ne m'en a jamais parlé. Quel était son métier ces derniers temps? Il travaillait comme garçon de café dans une brasserie à Aix. Bien. Écoutez, Madame Renard, dans les jours qui viennent, réfléchissez à cette affaire, et si vous pensez qu'un détail peut nous intéresser, n'hésitez pas à m'appeler. Ah, une dernière chose. Est-ce qu'il avait de la famille dans la région? Non, il n'avait plus de famille. Un lointain cousin, je crois, qui habitait Montpellier. Mais je ne pourrais pas vous donner son adresse, ni vous dire s'il est encore vivant. Alors il faut que je vous demande encore un effort, Madame Renard. Il va falloir m'accompagner à la morgue pour le reconnaître. Sur ce coup, Madame Renard s'effondre sur mon bureau et tressaute sous l'effet des sanglots. Je la laisse se reprendre. Elle relève son visage maculé de rimmel. Comment ça va se passer pour ces obsèques? Vous voulez vous en charger? Ben oui, puisqu'il n'y a plus personne. Tout de même, je lui dois bien ça. Il me donnait soin de l'argent pour terminer mes fins de mois. Il vous payait pour les relations que vous aviez? Un peu. Enfin, il m'aidait, quoi. On vous préviendra, Madame Renard, dès que vous pourrez récupérer le corps. Je me lève, l'air grave. Même avec de l'expérience, il est toujours difficile de voir des gens souffrir. Galant, je soutiens la femme jusqu'à la porte du bureau en lui tapotant le dos et fais signe à un agent de prendre la relève. N'empêche que je ne me pose plus de questions sur les moyens d'existence de cette femme.